vis dans le 13 pas Copacabana. Elle me parle, elle me dit comment t'es Yama. Cerveau sous marijuana, t'as le cartel Tijuana. Elle est mystérieuse comme mes papyrus.